Exo, solo, Wamsi, Kya, Russe. Bois les coups du respect, les grosses sont tous affamés. Y'a plus de place à boire, mais tu continues à nous lécher. Boulet prise, barillet plein, j'en laisse plus le choix. Mon gang des paris, j'me rejette au berne. Un massacre à la cabine, poto, c'est qu'un freestyle. Implanté partout, t'es la costelle. Si c'est pas toi, c'est ton père qui bossera pour nous. Un solo, un micro, les gestions. Qui sème la violence, récolteur, elle est douille. Y'a rien de plus pensé que du vent, nouveau prototype de rappeur en douille aérodynamique. T'es même pas encore sorti, mais ils prennent la fuite. T'es même pas encore sorti, mais ils prennent la fuite. Fils de Chaga, Chelep, Luan, Nega, Rel, Nega dans les bails, bitch, quand fait qu'ils s'en posent. Des questions, on s'appuie pas les débats pour les chances, on débat mon. Je rentre comme si c'était mon dernier couplet. Aujourd'hui, à tout le monde, on peut se faire le faire. La grosse ou la crème à tout, j'ai grandi dans un dosier que la France a toujours négligé. Elle défonce, elle gère. J'suis parti, j'suis revenu pour tout seul et j'y plais. Peut-être. Fais-toi si t'es bavard, les petites putes on les reconnaît aux premières cartes. La garde à vous le placard, n'arrête pas la pitrave. Un autre prend la place et direct ça repart. Pas besoin d'avoir fait Harvard pour savoir gérer le pays, on apprend dans le tard. Si je pète que le million, mon ami. Bah il va la France direction Dakar. Ouais. Je suis cool mais n'abuse pas. Si y'a un brou, jamais je me sauve moi. L'autre jambe plus longue que la tour à Gustave. T'auras un minimum à plus dans 9 mois. Ma femme va me lier tu. On m'a dit parle de qui si tu veux tes vues. Aucune meuf des vies, tu suis têtu. Tête dure pire que le bitu. Les tonnes sont de sortie. Je les entends taper sur le clavier inserti. Ce n'est que des moutons avertis. Touche pas au fait chez nous c'est interdit. Tout ce que tu diras ne m'atteint pas. J'arrive en te trait comme un attentat. Tu connais les règles si tu viens d'en bas. Tu scènes de la tiens attends pas. Bang. Le son est lourd comme le cul de ta mère. Je dépose des dents pour j'me repère. Je dépose des dents pour j'me repère. On nique les dingues, tous les mères. Tous les mères. Qui laisse crever nos sœurs et frères. Faut qu'on les tabasse. T'es ta maquille, l'autre somme gamas. Dans 93, on s'en fout que tu pètes à l'air léger. Quand le salut ramasse, c'est pas du ciné mais installé. Vous les toxicons inhalés. Tous mes raidos sont au palais de Bobos en cavale sur un cross, la violence et la bezou. Plus rien à déclarer. Bang. Sous commission depuis une année, mon papa de cour. J'suis toujours en PNF, max plus comme les jus de la bourre. Ah ouais. Je n'arrive plus quoi. Comme le canon d'un calon, j'plie quoi. J'suis au téléphone avec les plus gros voyous de France qui me demandent de passer ça les marisques. Le bien se rapproche mortel car j'aime pas les pachos. Je rêve de tous les faire disparaître à l'assaut. Les négros trop fragiles, les tonneuses, les fachos. Je leur souhaite la peine de mort comme un El Paso. Ta double rotor est gravé sur le fuselage. Missile, seul sache à traser des puissances. Tu me verras dans un tirage d'amonté. Les postes mènent de l'art, le visage t'a bossé. Je paye pour te baiser, pas pour te galocher. Une journée de passe et tu crois t'as bossé. Je tire sur un gros joint, t'en trempe sur le compteur. Ton pas amoureux, je te fais sauter ton cœur. Orange blanc vert dans mon esprit. Rouge et marron dans leur gosserie. Je leur nique leur pute de mère, me demande pas pourquoi. Ma pito donc il met pas de bague au doigt. J'ai été gentil une fois mais il n'y a pas de quoi. Ne me remercie pas, il n'y a pas de quoi. Plus de midi chloridien que Anakin. T'as les muscles en gélatine remplis de créatine. Je suis dans un putain de four. Fusil à pompe qu'à mon tour. La politesse je suis pas la peau. Je te baisse, je fais pas l'amour.